Yeah. Nothing. Just cooking up. What you cooking up? Mucho. Mucho. La mala y gangsta. Let's get it. J'te hâte de voir que les meufs trop bonnes. Oh my god. Faut que m'accrocher comme des trombones. J'suis vers les toilettes, j'revends des bonbonnes. C'est pas une teustin, c'est qu'une bombe. Let's get go. Elle donne des go. Une bombe, une jolie go. J'te l'ai dit, elle donne des go. Une bombe, bombe, bombe. J'arrive en burbe, burbe, mambo. Get le combo. Arachide des sauces gombo. Taille de Belvé, get la compo. After, on tourne le pas comme Rambo. Django, Django, briser les chaînes comme Django. Si le gueule demande, tu Django. Ça met dans le panier comme Rando. On veut des comptes, s'il y a des trous, on fait danser le tango. Des gros gamos, joue sur moi, j'fais de la bongo. Hey, j'fais que des lovés, j'fais que t'es groupie. Je vais t'innover, pour que ça pète, faut que j'te groupie. Hey, à tout mon gang, il faut une happy. Hey, j'ai la vingtaine, plus vécu que ton papy. Dans la te bois que des meufs trop bonnes. J'suis dans le carré avec mes bitches. Faut que m'accrocher comme des trombones. Faut que m'accrocher comme ma épi. J'suis vers les toilettes, j'revends des bonbonnes. Mais j'fais crari que j'fais pipi. C'est pas une teustin, c'est qu'une bombe. Let's get go. Elle donne des go. Une bombe, une jolie go. J'te l'ai dit, elle donne des go. Bombo, bombo, bombo. J'ai la Rolex sur le poignet. J'prends Mercedes pour me balader. Beaucoup de traits, j'ai d'eau balafré. Beaucoup de traits, j'ai d'eau balafré. Pas de grands gestes, on va tabasser. Même si t'es porté sous tabasser. Kista, c'est jamais assez. Kista, c'est jamais assez. Elle donne des hallucinations. Y'a des refrains qui témoignent. Y'a que bourré, j'peux t'aimer. J'suis méchant comme un démat. J'ai dans jeans, de quoi rester tranquille. Elle veut du jus dans shit. Coller les gros bandits. T'es mal à gestu. Tous mes gars, c'est pour. La go et j'ai char. Comme mon gros bédo. Encore du bif à faire cette année, bébé. J'suis dans la te bois que des meufs trop bonnes. Faut que m'accrocher comme des trombones. J'suis vers les toilettes, j'revends des bonbonnes. C'est pas une teustin, c'est qu'une bombe.